22.5, observation, repas. Non. Le petit déjeuner. C'est vers 8 heures du matin. Le déjeuner. Autour de midi. Le dîner. Vers 8 heures du soir. Maintenant des verbes. Nous prenons notre petit déjeuner à 8 heures du matin. Nous déjeunons à midi. Nous dînons à 8 heures du soir.